Hommage à Québec 1789. Ah ouais, mon Cam? Non, pas tout de suite. Les Anglais sont juste là, là. Je le vois bien, chérie, mais ce n'est pas le moment. On peut quand même pas y laisser entrer. Pourquoi se presser? Je me sens plus à l'aise assiégé qu'à découvert. Non, mais tu m'as-tu vu le désordre? Avec toutes les bombes, il y a de la poussière partout. La rue Saint-Jean, c'est une vraie soie à cochon. Peut pas recevoir des invités comme ça. Je t'assure, je me serais bien passé de cette visite. Mais maintenant qu'ils sont là, à moindre des choses, monsieur le marquis, c'est de les accueillir comme il faut. Non, mais es-tu mal élevé? Mais c'est moi le général. Non, mais tu t'as-tu vu à la fraise? T'es tout mal propre, là. Alors, viens-t'en ici. Go t'as changé, sinon je te fous un coup de balai. Écoute, chérie, s'il te plaît, j'essaie de me concentrer. C'est le sort de l'Amérique française qui en dépend. C'est ça, oui. Paraît sûr, tu veux juste faire ça pour pas prendre ton bain. Bon, vous savez, j'en ai marre. Réunissez les hommes, on sort! Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah. Paladin niveau 66. Archimage 55. OK. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. Soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonne fin d'après-midi et bienvenue à cette nouvelle saison de Puissance Maximale, le lundi de la fête du travail. Et le lundi de la fête du travail, ça coïncide avec quoi, François G. Couillard? Avec l'anniversaire de Puissance Maximale, c'est notre troisième année d'existence. Et en fin de compte, c'est le troisième anniversaire et on débute notre quatrième saison à CKIA, Puissance Maximale, qui a débuté justement sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec et, avec le temps, a grossi. Ben oui, ça a changé, ça continue toujours dans la continuité, c'est toujours l'actualité ludique, c'est toujours un peu dans la même formule. Pendant un an et demi, on se faisait seulement entendre sur les ondes radio de Québec et par Internet, par le site Internet de CKIA, mais par la suite, Radio Anticosti, Radio Taïga, également Abandonnoir France qui aura une nouvelle saison. Puis d'ailleurs, ça se peut qu'on soit même diffusé dans d'autres radios communautaires à travers le Canada. Parce que là, on a eu un courriel d'une association des radiodiffuseurs communautaires. Voilà, du Canada. Alors, ils cherchent des émissions comme ça pour remplir des trous. Alors, ça se peut que Puissance Maximale se soit diffusée ailleurs. Excellent. Et on a une émission aujourd'hui, en ce 6 septembre, extrêmement remplie. Nous avons avec nous Guillaume Forand. Bonjour tout le monde. Salut Guillaume, et également un grand retour avec nous à Puissance Maximale, Francis Rodrigue. Bonjour tout le monde et bonjour Vincent. Hey, salut tout le monde. Comme on disait, une émission extrêmement chargée. Guillaume, de ton côté, de quoi vas-tu nous parler? Un nouveau jeu plateau qui est sorti la semaine passée, donc officiellement, si je ne me trompe pas, c'était mardi qu'il est sorti. C'est le jeu Castle Ravenloft, donc le château Ravenloft, un jeu de plateau basé sur une vieille histoire, un vieux jeu de rôle de Ravenloft, et je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus tantôt. Donc, j'imagine que c'est sorti le mardi. Toi, déjà, le lundi, tu l'avais en ta possession. Non, presque. Malheureusement, je ne pouvais pas. Ma femme ne voulait pas. Oh, mais qu'entends-je? Francis, de ton côté? Moi, de mon côté, comme à chaque semaine, je vous parle de ma chronique Oldie contre Newbie. Toutefois, cette semaine, un petit changement à l'horaire. Ça va être un Newbie contre Newbie. Donc, juste deux jeux récents. Donc, en premier lieu, je vous parle de Calling, un jeu sur Nintendo Wii, et par la suite, Final Fantasy XIV, le bêta. Et de mon côté, bien, on aura la chance de parler de deux compagnies là, qui se prêtent dans la création et dans la diffusion de jeux, mais des jeux téléchargeables plus que d'autres choses, qu'on peut retrouver soit sur notre PC, sur notre Mac, ben, sur Internet bien sûr, ou bien sur PlayStation Network ou le Xbox 360, le Xbox Live. Et ça fait le tour de ce qu'on aura. On aura un peu d'actualité également au cours de l'émission, mais on va débuter en chanson, comme à l'habitude. Oui, donc je me suis amusé comme ça à retrouver des pièces qui ont joué dans la dernière année. Et puis là, je me suis mis, je fais un genre de petit décompte. Là. J'ai mis des pièces qui avaient marqué l'année. En fait, pas pantoute. Une pièce que j'ai jouée en octobre 2009. Donc, une pièce de Chien Dent. La pièce s'appelle Pitch Trip. C'est l'histoire d'un gars qui reste en cabané chez eux, puis il joue à des jeux vidéo et autres. Et puis, il trippe. OK, vous êtes à puissance maximale. Troisième anniversaire. Pas besoin d'aller ailleurs, j'ai la manette du bonheur. J'suis ben zip, pis j'trip. J'suis ben zip, pis j'trip. J'suis ben zip, pis j'trip. J'suis ben zip, pis j'trip. J'suis ben zip, y'a juste des fois, mais pas souvent. J'aimerais ça qu'il y ait du monde qui m'appelle. J'rends une belle fille qui m'invite au restaurant. Ich bin Friedemann Friese und Sie hören Puissance Maximal. De retour sur les ondes de CKIA pour le troisième anniversaire de Puissance Maximale, cette émission d'intérêt ludique, l'émission où on parle beaucoup d'actualité sur les jeux. Vous avez également notre site internet qui est le www.puissancemaximale.com sur lequel vous retrouvez des nouvelles, nos courriels pour nous contacter. On en reçoit beaucoup par semaine. On aime vous répondre, on aime vous lire. On commence avec Francis qui va nous faire sa chronique Newbie Against Newbie cette semaine. Donc oui, comme je vous disais tout à l'heure, cette semaine, je vous parle en premier lieu du jeu Calling. Un jeu qui a été développé et produit par Hudson Soft, l'espèce de petite abeille, là, ceux-là qui ont fait Bomberman, Adventure Island, Jeux quand même. Exactement. Par contre, elle a été publiée aussi par la compagnie Konami en Europe. Donc, c'est juste une petite mention comme ça. Le jeu est sorti le 9 mars 2010 ici en Amérique du Nord et le 19 aux États-Unis pour une raison que j'ignore complètement. Par la suite, dans le fond, le jeu, c'est un de type survival horror. Donc, il y en a qui sortaient qui pourraient penser, bon, disons, comme Resident Evil ou des trucs comme ça, mais ce jeu-là, il est très particulier. C'est pas si on peut dire l'horreur américain, c'est l'horreur japonais. Donc, à la place que ça soit du gore, des morceaux qui revolent, puis des gros démons de l'enfer qui se pointent, puis etc. C'est des fantômes. Ouais, eux autres sont beaucoup fantômes. Ils sont très fantômes et surtout sont très boue. Ils sont très pas des choses qui t'apparaissent d'en face. Esprit, pour là. Pour te foutre la chaîne, c'est absolument incroyable. Moi, d'habitude, OK, je vais vous avouer franchement que je suis pissou comme ça se peut juste pas. tout ce qui est jeu d'horreur, ces affaires-là, ça peut arriver des fois que je prenne une petite pause parce que je capote trop, là. Mais ce jeu-là, moi, je sais pas pourquoi j'ai pas été capable de décrocher. J'ai joué du début à la fin, même si je shake-up, j'ai pas dormi pendant une semaine. Hein? Mais voilà. C'est un excellent jeu. En gros, ce qui arrive, on est quatre personnes qui se ramassent dans des endroits qui ont de l'air vrais, mais en fait c'est que c'est des mémoires de personnes qui sont décédées, puis tout est relié envers une petite fille qui s'appelle Reiko, qu'on appelle aussi Kuroneko. Ce qui se passe finalement, c'est que les personnes qui sont allées sur le site qui s'appelle la Black Page, qui est une espèce de chat room, mais tout en anglais. Pas en anglais, mais en noir, avec des écritures rouges, ça a l'air un peu gothique. Tous ceux qui vont sur ce site-là, après un certain moment, il y a une Kuroneko qui se connecte, puis à ce moment-là, tout leur téléphone cellulaire se met à sonner. Puis ils se ramassent dans ce monde-là. Puis ce monde-là, finalement, c'est justement un monde qui a été... que ces gens-là, il y a des gens qui ont été attirés dans ce qu'on appelle l'abysse mnémonique. Puis ces personnes-là, finalement, hantent les différents lieux là, dans lesquels on se promène. Puis le but, finalement, c'est d'essayer de sortir vivant de ça en découvrant des indices puis tout. Mais l'affaire, c'est qu'est-ce qui fait ce jeu-là est complètement unique. C'est vraiment... C'est les tout qu'est-ce qui vous apparaît d'en face tout le temps, ou juste des petites choses qui foutent la chair de poule, là, c'est absolument incroyable. Juste aller dans le menu de pause, tu sais, quand vous allez voir les items que vous avez, là, ça rouvre une fenêtre, ça vous ouvre une nouvelle fenêtre, là, vous pouvez regarder, bon, les options, etc., vos items. Mais au moment où vous revenez, une fois sur peut-être une vingtaine, on voit juste l'ombre d'une petite fille qui disparaît vite de l'écran. Mais tu sais, c'est juste des petites affaires qui font comme hi, qui donnent un petit frisson. Donc, autrement dit, tu veux prendre un break, tu veux prendre une pause du jeu parce que t'es stressé, tout ça, tu t'en vas dans le menu de pause, puis là tu reviens, puis là tu fais une crise cardiaque. Ouais, mais c'est il y a pas moyen de s'échapper de la terreur ambiante. Non, ben c'est ça exactement. Puis il y a tellement des détails justement que ça arrive des fois comme au début, on commence, on sort d'une chambre, on est dans une petite maison perdue dans le bois. Puis la première pièce qui est à côté de nous autres, c'est une salle de bain. J'ai rien de plus plate qu'une salle de bain, on s'entend, là. On rentre dans la salle de bain, puis on... Tu sais, j'ai vu la toilette, puis quand on pointe avec la Wiimote, avec la toilette, il y a une action. Là, je me suis dit, OK, c'est quoi? Je pèse dessus, ça fait un son de flush, bien comique. Mais là, au moment où je me lève, je vois genre une espèce de face méchante dans petite fenêtre de la salle de bain qui te regarde avec une face de « je m'en vais te tuer, mon Moses », puis qui disparaît après. Ouais, là, c'est moins drôle. C'est moins des affaires qui pop en criant, comme on voit des fois sur Internet, mais c'est juste une petite ambiance qui donne une chair de poule tout le long. Pis ça vient changer justement de le fameux Resident Evil que tout le monde dont tout le monde parle depuis toujours parce que ça a été comme la grande lancée des survival horror pis tout ça. Ça vient changer, ça fait penser un peu à Fatal Frame. Oui, ben où, justement de la manière dont on en parle, Fatal Frame ou peut-être un peu Silent Hill dans les premiers là quand ça avait sorti, ça venait c'était un petit peu plus épeurant, disons. Ouais, ben c'est ça justement quand on recherche des trucs sur Calling, il y a beaucoup de liens justement entre Silent Hill et l'autre Fatal Frame que t'as parlé. Par contre, là-dedans, justement, ils ont gardé aussi une petite goutte, finalement, qu'on peut dire, de Fatal Frame. Il s'agit du fait que ta manette, ta Wiimote, finalement, te sert et de flashlight et de cellulaire. Donc, quand tu joues au jeu, bien entendu, t'as pas de gun là-dedans. T'as une flashlight, puis tu te promènes, tu trouves des indices, etc., puis t'essaies de survivre, parce que tu peux te faire attaquer par des fantômes, faut que t'échecs, puis voilà, le tour est joué, là. Mais, c'est dans le fond, tu vas te promener avec ta flashlight... Puis là, à un moment donné, tu vas entendre juste un petit bruit, question de stresser un petit peu plus. Puis, un moment donné, ta manette va commencer à sonner. Parce que pour les gens qui ne savent pas, sur la Wiimote, il y a un petit speaker. Oui. Puis, on entend une sonnerie de téléphone qui part dans la manette. Là, tu fais comme, hey, mon téléphone, ma manette sonne. Fait que là, on appuie sur le bouton moins, qui est comme le bouton pour décrocher le téléphone. Puis, il y a tout le temps une voix qui nous parle. Des fois, ça peut être quelqu'un d'autre qui est pogné dans le Mnemonic Abyss. Ou des fois, ça peut être un fantôme. Comme dans la deuxième partie, on se ramasse dans une école. Puis on trouve un téléphone à terre. Fait que là, on le prend, mais le téléphone, justement, on l'a trouvé parce qu'il sonnait, puis on entendait le couloir. Fait que là, au moment où on prend un téléphone, puis on répond, on entend une espèce de voix froide et vraiment creepy qui nous dit « C'est mon téléphone, je m'en viens le chercher. » Là, t'es comme « Non, t'es pas obligé. » Là, français, je commence à comprendre le stress du jeu, le calling. Je commence à comprendre c'est quoi le trip là, de jouer. Ça, c'est pas tout le temps des grosses explosions de peur tout le temps. C'est que c'est juste une ambiance qui te garde sur le shake tout le long. de A à Z. Mm. Puis quand tu la refais, tu retrouves des nouvelles affaires. Puis t'as même un spook qui s'appelle la fille en rouge. Elle sert à rien dans l'histoire, pas en tout, mais elle est là juste pour te foutre la chienne tout le temps. À part pour amener peut-être une bonne chanson de Chris DeBerg, Lady in Red. Non, même pas. Même pas, non. Non, même pas fait appel à cette chanson-là. En tout cas, si elle veut te l'apporter, je peux te dire que tu vas peut-être me demander de repartir parce que elle a fait penser un peu à la fille du cercle, cheveux longs noirs. Ouais. Dis-moi, Francis, c'est un jeu de Wii? C'est un jeu sur disque ou c'est un jeu qu'on peut télécharger? C'est un jeu sur disque. Si je me souviens bien, pas très très cher. Je pense que c'est sûrement dans trentaine de dollars, là, 20-30. Puis le fait que ce soit un jeu de Wii, on sait que la Wii ne rend pas nécessairement à la perfection, par exemple, ce que le PlayStation peut rendre ou ce que le Xbox peut rendre pour différents jeux. Là, c'est une exclusivité, j'imagine, sur la Wii. Est-ce qu'on perd un peu le feeling de ce qu'est le jeu parce que justement les graphiques sont pas extraordinaires ou ben, justement ça l'aide à... Je vais t'avouer, en toute franchise, que le jeu m'a épaté. Les graphiques, c'est, on s'entend, c'est du GameCube boosté aux hormones. Donc, tu sais, c'est pas la grosse palette, là, mais c'est qu'on est tellement impacté dans l'ambiance du jeu, puis dans le je veux savoir qu'est-ce qui se passe, puis t'as le petit freak tout le temps que les graphiques, ça pourrait être du Pong, puis tu t'en fous très bien rien. T'es tellement dedans qu'à un moment donné, les graphiques, tu vois plus parce que t'incarnes tellement ton personnage, tu le vois jamais, sauf dans les cinématiques. Fait que t'es la personne dans l'hôpital qui se fait courir après par des fantômes. C'est que c'est ça qui donne au jeu une profondeur absolument incroyable. Excellent, c'est le fun d'entendre ça des jeux de la Wii, justement. Fait que moi, je vous le conseille fortement. Allez vous procurer ça, comme je vous dis, ça va être une 20-30 de dollars, faite par Hudson Soft, donc Carling. Et puis, pour continuer avec mon deuxième jeu, je vais me dépêcher, j'ai pris beaucoup plus de temps que prévu. Non, on a tout notre temps. C'est la troisième anniversaire de Puissance Maximale. Vous êtes en direct de CKIA 88.3 et c'est Francis Rodrigue qui vous parle. Arrêtez ça, je vais rougir. Donc, pour mon deuxième jeu, je vais vous parler de Final Fantasy XIV. Donc, le deuxième jeu de rôle massivement en ligne de Square Enix en lien avec la fameuse série Final Fantasy. Son prédécesseur était le Final Fantasy XI qu'on pouvait retrouver sur PlayStation 2, Xbox 360 et PC. Et les trois consoles pouvaient jouer ensemble. Donc, on pouvait avoir une équipe. Il y en avait un qui était sur 360, un sur Play 2, puis un sur... sur PC. C'était une des choses intéressantes. Ils devraient commencer à faire ça que les jeux, à un moment donné, Modern ça Warfare. Ça éviterait là. Peut-être, justement. Ouais, ça serait quand même assez incroyable de jouer à Modern Warfare avec des maps assez peuplées de monde, mais je sais pas si ça enlèverait l'exclusivité. Des fois, Modern Warfare, ça sort tel map pack en premier. Il y en a qui signent des ententes. Là. Ben, malgré que moi, je vois ça comme c'est pas grave s'il y a ça. Ça veut dire que les autres personnes pourront juste pas jouer tout de suite. Ah, ben oui, mais ceux-là qui ont déjà les maps, ben, ça va marcher pareil. En tout cas, je vais dire franchement, juste avant que tu continues, si présentement dans Modern Warfare, les gens qui jouent sur le PlayStation pouvaient jouer aussi bien que sur le Xbox, parce que PlayStation, ça bug pas mal ces temps-ci au niveau du Modern Warfare. Justement, dans le temps où on entend parler que peut-être qu'il va falloir payer pour jouer à ce jeu-là, à un moment donné, en ligne, c'est assez bizarre. Mais bon, c'était seulement une parenthèse. Ah, vois-tu, tu m'en apprends. Je n'étais pas au courant de ce détail. Donc, rapidement, les développeurs et ceux qui ont publié le jeu, bien entendu, Square Enix, donc ceux qui ont tout fait, qui ont fait les Final Fantasy depuis l'ère du vieux Nintendo. Ensuite, côté musique, c'est encore le dieu musical des Final Fantasy depuis le premier, Nobuo Uematsu. Par la suite, le jeu va se faire sur PlayStation 3 et PC seulement pour l'instant. On n'a pas encore de nouvelles pour la 360. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, mais en tout cas, on attend pour l'instant avant de donner des faux espoirs, pauvres personnes de 360. Pour ce qui est de la sortie du jeu officiel, ça sort le 30 septembre, donc pour les intéressés, allez vous faire une petite réservation. Et puis, pour terminer, en fait, le jeu, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de rôle en ligne, donc tout le monde connaît l'Otro, Lord of the Ring Online, World of Warcraft, jeu du genre. Dites-vous que c'est ça, mais dans l'univers de Final Fantasy XIV. À date, le jeu, je vous dis franchement, les graphiques sont hallucinants. Moi, j'ai été épaté juste du fait que les graphiques des vidéos, c'est les mêmes que pendant le jeu, puis c'est wow. Je donne deux pouces en l'air, c'est incroyable. Par contre, il y a certains détails dans le jeu qui gâchent un peu l'histoire, mais que, en tout cas, peu importe, je veux jouer pareil quand il va sortir. Entre autres, à date, ils ont, si je me souviens bien, ils ont 7 serveurs, 7 ou 8 serveurs. Mais pour une raison que j'ignore, Je ping tout le temps dans le 700. Donc, pour c'est expliquer là. Aux gens, là, c'est que il y a beaucoup de lag, mais c'est pas des coupures graphiques, c'est vraiment des coupures Internet, si on peut dire. Mm-hmm. Puis ça vient pas de ma résidence, c'est vraiment sur Internet. Là, il y a beaucoup, beaucoup de gens. Puis étant donné qu'il y a juste 7 serveurs, puis il y a tant de personnes qui jouent déjà, c'est incroyable des fois les lags qu'on peut avoir. C'est très, très peu user-friendly. Donc, la personne qui part de World of Warcraft, qui présentement a tout cuit dans le bec, je veux dire, quand on a une mission, on s'en va direct où ce que la map nous dit d'aller pis d'attirer, là. Les gens, pour Final 14, risquent d'être un peu déstabilisés par le simple fait que, bon, pour faire une quête, il me semble une quête, c'est supposé être simple. On parle à une personne, donne-moi la quête, ciao, ben, je m'en vais à faire, je reviens à un moment donné, là. Ouais, puis on fait next, puis on lit pas, là. C'est ça, exactement. Tandis que là-dedans, première des choses, faut aller dans l'espèce de taverne. Dans la taverne, on va voir un petit monsieur qui veut nous donner des quêtes. Dans ces quêtes-là, il y a genre 5 types de quêtes différentes. Au début, t'as aucune idée c'est quoi ces quêtes-là. Généralement, les personnes qui jouent vite, étant donné que c'est un bêta, ils lisent pas tout le temps les tutoriels. Donc, tu veux dire, bon, je vais essayer celle-là, tiens. Fait que là, tu prends... Moi, j'ai pris Battlecraft. Battlecraft, généralement, c'est va tuer tant de bébés, t'en reviens, puis voilà tes trucs, là. donc, Battlecraft, tu choisis là-dedans, t'as 4 missions, généralement, qui apparaissent. Tu choisis tes 4 missions, tu t'en vas à la place où ce qu'il faut que t'es fasses. Une fois que t'es rendu là, ça va être une espèce de petit village ou un campement, faut que tu parles à un cristal. Le cristal va te dire, OK, quelle mission que t'as envie de faire dans les 4 que t'as choisi. Oh boy. OK, bon, je veux faire cette mission-là. OK, t'as une demi-heure pour tuer 3 lapins. OK, une demi-heure, merci. Trouve-les. Non, ils sont très à côté de toi. Oh, OK. En fait... Une fois que la map est commencée, t'as des lapins qui te sont prédestinés. Dans le fond, les autres les voient pas, ou en tout cas, ils en prennent pas compte. Mais sur ton radar, tu vas avoir 2 petits points rouges qui vont clignoter, ou une flèche qui va te dire « va par là, c'est là qu'ils sont ». Donc là, à ce moment-là, tu te rends là, tu tues les 10 lapins, tu reviens. En fait, à ce moment-là, une fois que t'as tué tes derniers, là, il va y avoir la fameuse tune que Final Fantasy, que tout le monde connaît. Ah, il y a même la même tune. Avec la tune d'après victoire, etc., puis il va y avoir une espèce de pylône de lumière qui va apparaître dans dans lequel on va sélectionner si on veut retourner au cristal et tout, puis à ce moment-là il nous donne notre récompense qui est généralement une poignée de gold plus un gilet en froufrou brun. donc une fois que la mission est faite, on retourne au campement, on arpoque le cristal, je vais faire cette mission-là. Hein? C'est comme ça qu'on finalement on fait 100 heures ou 150 heures à Final Fantasy. Ah, oh, c'est une farce. Ben, en fait, c'est que là-dedans, c'est que je sais pas à quoi ils ont pensé. Ça, c'était un peu mal fait pour ouais, ça. Il y a des étapes superflues, il me semble. Oui, exactement, beaucoup. Ouais. Ben, Final 11 était très fort là-dessus aussi, sur les complications de tout. Mais bon, ils ont eu une évolution quand même. Mais un détail important que je trouve qui, ça, fait tout le charme déjà du jeu. Comparaison avec Final Fantasy 11, là-dedans, quand on meurt, on ne perd pas d'expérience. Chose qui est un pas absolument incroyable. Ouais. Parce qu'en Final 11, tu pouvais passer comme 3 heures à monter level. Puis en 2 monstres qui te tuaient, tu la reperdais tout de suite. T'étais obligé de te la retaper au complet. C'est monstrueux. Un peu comme des vieux EverQuest, parce que quand tu mourais, tu avais comme des points d'expérience négatifs. Fallait que tu récupères avant de commencer à remonter dans des points d'expérience. Ouais, donc, beaucoup de frustration. Donc, c'était des jeux plus pour les gens, on pourrait dire hardcore, donc les vrais gamers qui voulaient jouer, qu'eux autres, fallait que ça soit dur, que ça prenne du temps. C'était plus pour eux autres, ce genre de jeu-là. Un petit peu le même style pour Final Fantasy. Oui, effectivement. Entre autres, dans Final Fantasy 11, dans le temps... je me souviens, c'était vraiment fait pour ceux-là qui voulaient jouer au jeu, parce que juste partir d'une ville qui est quand même assez grosse, puis de se rendre à une autre ville qui est toujours aussi grosse, ça prenait une vraie demi-heure. Une vraie demi-heure. Je veux dire, je partais le trajet, je suivais un de mes amis qui, lui, se tapait le WASD pour se rendre là. Je faisais clic droit, follow, puis j'avais le temps d'écouter une émission au complet avant d'être rendu. En tout cas, ils ont gardé un peu ces détails-là. Donc, en gros, Final 14... Il y a encore des modifications à faire, mais il n'y a aucun jeu MMORPG qui, en sortant, est devenu immédiatement parfait puis qui avait aucun problème. Même encore World of Warcraft, qui est probablement un des plus gros jeux MMORPG qui existe, encore de difficultés. Ben, pas en faire de difficultés, mais ils font tout le temps des mises à jour de modifications, là. Donc, Final 14, je vais y donner sa chance, je vais l'acheter. C'est 59,99 la version normale, sinon c'est 74,99 si je me souviens bien. La version de collection, dans laquelle je ne sais pas ce qu'il y a dedans, il va falloir que je vérifie. Puis c'est 20$ par mois pour jouer, puis ça sort le 23. Dis-moi, Francis, juste en terminant, pour ceux qui, ça fait longtemps qu'ils ont fait du Final Fantasy, puis qui ont peut-être pas réalisé qu'il y a déjà deux numéros qui sont sortis online, là. Ceux qui sont habitués à la bonne vieille façon de jouer à Final Fantasy, est-ce qu'ils vont être perdus ou, Oui. Parce que la bonne vieille façon, c'est on jouait tout seul, puis on avait nos trois ou quatre bonhommes qui nous accompagnaient, puis on jouait à tour de rôle, puis tout ça, là. C'est plus vraiment la même façon, hein. Ben, en fait, c'est que, oui, d'un certain angle, ça ressemble. Parce que dans le fond, oui, notre personnage, bon, il va avoir attaque, magic, ces trucs-là. Mais par contre, c'est que là-dedans, c'est en jeu. Donc, juste pour mentionner, vous avez trois boutons maintenant de direction. Vous avez la direction du personnage, la direction de la caméra et la direction dans le menu. Parce que, exemple, on peut se déplacer pendant qu'on joue, en même temps qu'exemple, on va jouer avec le menu pour dire, OK, ben, je veux faire magie noire, fire à gars et let's go. Mais tu sais, c'est tout du real time. Donc, okay. C'est tout le temps. C'est en temps réel, ouais. C'est en temps réel et non par tour. Exactement. Puis dans le 14, ils ont fait des changements encore. C'est on pèse quand on veut attaquer. Et non, on clique puis on attend que ça finisse. OK. Excellent. Ben, merci beaucoup, Francis, d'être passé à l'émission. Ça fait plaisir. Vous parlez de Calling, de Final Fantasy 14 en ligne. Exactement. Et Calling, c'est sur la Nintendo Wii. Super. Donc, on va continuer en musique. Un groupe que j'ai fait jouer, ça, c'est le groupe Extradition, donc un jeu qui avait apparu lors d'un événement médiéval. J'ai fait jouer ça en novembre 2009. Alors, la pièce s'appelle Cyberdépendance. C'est la troisième anniversaire de Puissance Maximale. On monte le son. Dans mon ordinateur, à la recherche du bonheur, le jour, le soir, à n'importe quelle heure, et dire qu'il y en a qui pensent que je souffre de cyberdépendance. Je chatte avec l'autre chauffeur. Sur Messenger. Je comprends juste pas pourquoi Claudia reste à Kitchener. Il dit qu'il y en a qui pensent que je suis de cyberdépendance. Je me nourris au crabe dinner. Que j'achète au dépanneur. Ma blonde, elle me traite de loser. Elle me dit, lave-toi et tu m'écœures. Tu sais que la voisine est partie ailleurs à cause de ton odeur de sueur. Il dit qu'il y en a qui pensent que je souffre de cyberdépendance. Je suis devenu l'administrateur sur le canal à croche-cœur. La femme a pogné en boxeur en train de frencher mon moniteur. Pis dire qu'il y en a qui pensent que je souffre de cyberdépendance. Pis dire qu'il y en a qui pensent que je souffre de cyberdépendance. Pis dire qu'il y en a qui pensent que je souffre de cyberdépendance. Excusez-moi! Oui, bonjour, ici Vincent Bourget, professeur à l'Université de Laval, de l'Éducation Interactive, doctorat en design et site de culture. Vous écoutez Puissance Maximale et gardez en tête les jeux vidéo sont pour l'art, mais il y a encore son enfance, pour son adolescence peut-être, donc il faut travailler pour le faire grandir. De retour à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA et on va parler de jeux de plateau avec Guillaume Forain. Oui, jeux de plateau, d'épouvante, non pas vraiment d'épouvante, mais un jeu de plateau sorti récemment et je dois avertir les gens et les collègues ici l'ont pu remarquer, la boîte elle est pesante, on estime à peu près à 10 livres la boîte. Ouh là là. 10 livres donc, de stock là-dedans. Je sais pas si t'as envie l'écho, mais c'est pesant. Le jeu, c'est quoi? Première des choses, faut pas se cacher, c'est pas un jeu de politique, de diplomatie, c'est un dungeon crawler. Donc on tape les monstres. Le but, on descend dans le donjon, on frappe sur les monstres et faut ressortir ou trouver quelque chose et on est gagnant. Le jeu est coopératif, donc on ne se bat pas un contre l'autre pour savoir qui va gagner, qui va ramasser le trésor. Le but, c'est qu'on réussisse la mission. Généralement, tout dépendant des missions, c'est soit exemple qu'une personne réussisse à se rendre jusqu'à la sortie et passe un tour là, et à ce moment-là, on a gagné. Des fois, il faut que tout le monde se rende quelque part. Mais on travaille en équipe, on n'est pas un contre l'autre. Donc, très important de ce côté-là. Là, juste vite, comme ça, ça m'a comme éclairé ce que tu viens de dire là. Ça veut dire que dans une partie, il peut y avoir plusieurs missions. Ben, normalement, une partie, c'est une mission. Les missions peuvent être d'une trentaine de minutes pour la première mission qui est plus simple. Ça peut aller jusqu'à peu près une heure, la mission plus longue. Le jeu, c'est de 1 à 5 joueurs. Oui, on peut jouer tout seul, beaucoup moins intéressant, mais c'est possible de pouvoir jouer tout seul, entre autres, si on veut apprendre comment fonctionne le jeu. On peut soi-même, suivant les scénarios, jouer. Il y a 13 scénarios dans le jeu, 2 qui sont pour un joueur, donc on a 2 possibilités de scénarios en ce moment. Éventuellement, je suis sûr et certain qu'ils vont en sortir d'autres avec des nouveaux personnages. Le jeu est prédestiné de la façon qui est faite à pouvoir le faire facilement. Et on a 11 missions qui sont de 2 à 5 joueurs. Ce jeu-là, on peut jouer à 2, c'est correct, c'est le fun, mais plus qu'on est de gens, plus c'est le fun, parce que chaque personnage a des synergies qui peut donner un petit quelque chose supplémentaire au groupe. Donc, plus intéressant, on a plus de diversité, on peut faire des choses un petit peu plus différentes à ce moment-là. Donc, comme la majorité des jeux, avoir le nombre maximum de joueurs, toujours plus intéressant pour avoir une plus grosse variante. C'est quoi tu entends par synergie? Exactement, est-ce qu'il y avait, par exemple, un personnage, quand il est accompagné d'un autre personnage, il donne quelque chose, un bonus, dans le fond, à l'autre personnage? Dans le jeu, on a 5 classes qu'on peut jouer, 5 personnages différents, donc pourquoi le maximum de 5 joueurs? Exemple, le guerrier, il y a des habiletés qui font en sorte que soit qu'il se rend à côté d'un monstre pour l'attaquer, ou qu'il amène un monstre à côté de lui, donc il peut libérer un autre joueur pour pouvoir faire quelque chose. Le voleur, lui, a des bonus pour désarmer les pièges. Par contre, si on joue tout seul, c'est pas nécessairement intéressant d'avoir ça, mais dans un groupe, on peut, avec le guerrier, décider, ben, je vais libérer le voleur du monstre, je vais m'en occuper pendant que lui désarme le piège. Le prêtre, lui, peut aider à la guérison des gens. Il peut décider de ne pas prendre d'action pour guérir plus une personne. Donc, c'est des petites affaires qu'on rajoute à deux, ça devient redondant un peu. Oui. Comme beaucoup de ce genre de jeux-là. OK. L'émission, premièrement, le jeu vient avec une quarantaine de figurines. Les figurines sont à plastique. C'est les mêmes moules que pour le jeu de miniature de Donjons Dragons. C'est ça. Et ça explique le poids de la boîte aussi. Le poids de la boîte, effectivement, mais la majorité du poids ne vient pas des figurines. Ça, je vais en revenir par après. Les figurines ne sont pas peinturées. Donc ça, c'est un petit point négatif. Personnellement, j'aurais aimé ça qui a été peinturé. Il n'y a rien qui empêche que quelqu'un qui a du talent un peu puisse les peinturer. C'est quand même du travail. Entre autres, dans le jeu, il y a des loups-garous, il y a une dracoliche, donc un dragon mort-vivant, il y a des loups, il y a des squelettes. Par contre, non peinturé, donc un petit bémol. Ah oui, c'est curieux, surtout que ça fait longtemps quand même que Donjon Mini est sorti, puis toutes les figurines sont d'habitude sont toujours peinturées. Là. La raison, je crois, pourquoi ils n'ont pas peinturé, c'est que ça aurait pu créer une rareté côté figurines, parce que les gens auraient pu vouloir les avoir pour les parties de jeux de miniature, donc pour pas créer de compétition et créer un... Mm-hmm. Parce qu'il faut le dire, dans la boîte, il y a un Bone Dragon, par exemple, ça peut être quelque chose de rare à trouver dans le jeu. La Dracolisse, qui est une créature huge, donc qui est quand même assez grosse, c'est pas facile à trouver. Il y a des gens qui auraient peut-être voulu acheter le jeu juste pour les figurines, pour essayer de les revendre individuellement. Okay. Donc, je crois que c'est pour empêcher ce phénomène-là qui ont limité les couleurs. Moi, personnellement, je vais pouvoir repeinturer. Ça sera pas trop difficile, une petite peinture très, très simple. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Comment ça fonctionne dans le jeu? On a des tuiles. Les tuiles sont d'un carton très épais, donc d'où vient la majorité du poids de la boîte. François, justement, tu as eu la chance de voir un peu tantôt. Là, il y avait une tuile dessus. C'est quand même du carton épais. Pour le briser, faut presque faire par exprès ou échapper beaucoup de liquide dessus, parce que même si on échappe un peu, on peut l'essuyer, il n'y aura pas de problème. Quand même faire attention, mais c'est pas quelque chose qui va briser facilement, donc quand même à l'épreuve des joueurs un peu plus jeunes. Ils suggèrent justement de 12 ans et plus pour le jeu. Ça peut être difficile pour des jeunes de 12 ans à apprendre à jouer au jeu. Moi, personnellement, j'ai pas eu trop de difficultés parce que j'étais habitué à des jeux de plateau. Quelqu'un qui voudrait commencer, les règles sont plus ou moins claires. Il a fallu que j'assume quelques affaires, que je fasse une partie pour découvrir si tu vraiment comme ça, ça joue. Côté règles, il y a... Il aurait pu avoir plus d'exemples comment fonctionnent certains événements avec ma blonde, justement, ma conjointe. Il a fallu qu'on sait des règles de Donjon Dragon miniature et même de Donjon Dragon 4e édition très, très simplistes. Donc, ils ont vraiment ramené ça encore plus à la base. Mais les gens vont peut-être assumer des choses qui n'existent pas dans le jeu vu que c'est tellement similaire aux autres. Juste faire attention pour le mettre de côté. L'avantage du jeu, puisque c'est assez proche justement du jeu de rôle ou même des jeux de miniatures, on peut prendre les figurines et les réutiliser. Donc moi, dans mon cas à moi, les tuiles eux-mêmes, je peux les réutiliser pour des parties pour faire des maps de donjons. Je peux réutiliser les figurines aussi pour mes parties. Donc dans mon cas à moi, le jeu a un double valeur. Ouais. Donc ça, c'est un plus, surtout pour les maîtres de jeu. Des fois, il vous manque un ou deux joueurs pour une partie d'une soirée à dernière minute, puis vous... Les gens se pointent quand même chez vous. C'est quelque chose que vous pouvez sortir facilement pour pouvoir jouer avec les gens, puis vous faites quand même une mini partie de donjon d'une certaine façon. Les tuiles sont placées de façon aléatoire selon les missions. Donc, exemple, la première mission, faut trouver la sortie. On commence dans le donjon, dans le château, on est capturé par on sait pas qui, et faut sortir... et autant que possible avant que le vampire Strahd se réveille et nous mange. Donc, le but, c'est on a un certain nombre de tours pour pouvoir sortir. Sauf qu'on commence deux jours, et c'est aléatoire pour savoir combien de temps qu'on a pour avant que le vampire se réveille, donc avant que le soleil se couche. Okay. Selon les tuiles qu'on va tirer, ça va faire avancer le marqueur qui va déterminer quand que le soleil va se coucher, et après ça, le vampire... sort et commence à vouloir nous manger. Donc, nous, on veut sortir avant. On peut toujours essayer de le battre. À deux joueurs, je vous dis tout de suite, c'est pas faisable de le battre. On a, comme moi puis ma conjointe, on a essayé un peu et on s'est vite rendu compte que j'étais pour le retenir pendant qu'elle se sauvait pour qu'on gagne l'émission. Donc, oui, je me suis sacrifié pour elle, mais ça sert à son mari. Ah, c'est galant. Tout à fait galant. Donc, un petit jeu quand même intéressant. Le jeu, je lui donne à peu près un 3.5 sur 5. Donc, c'est pas le meilleur des jeux. Il réinvente rien d'extraordinaire, de majeur. Quand même intéressant. On peut jouer tout seul si on veut vraiment. Moins intéressant, je trouve, mais il y a quand même la possibilité. Et c'est un jeu qui est pas long à faire les parties. Donc, les missions les plus simples, une demi-heure une fois qu'on est habitué au jeu. Peut-être jusqu'à une heure, comparé à d'autres jeux de plateau, que ça peut prendre 3-4 heures faire des parties. Donc, beaucoup plus court. Exemple, on veut écouter aller au cinéma à 9 heures. On a des amis chez nous à 7 heures. On fait une petite partie, puis après ça, on s'en va au cinéma. C'est quelque chose qui se fait bien pour dans le jeu. Les tuiles, comme je vous ai dit, sont faites de carton épais, donc réutilisables aussi pour les parties de jeux de rôle. Moi, dans mon cas, c'est quelque chose qui m'a vendu de plus dans le jeu. Tous ces petits points-là qui fait que c'est compatible pour moi en tant que gamer de donjon, ça monte le jeu à un 4 sur 5. Quelqu'un de sans faire exemple comme je vous dirais François, qui est pas un gamer de jeu de rôle de donjon sur table, c'est peut-être un 3.5, donc un jeu qui vaudrait la peine probablement d'essayer avant d'acheter, juste pour vous assurer, mais qui vaut quand même le détour, je dirais au moins pour la tentative d'aller voir à quoi ça ressemble, puis de l'essayer, vous voir si c'est votre style. C'est un dungeon crawler, donc on se casse pas la tête, on avance, on tue des monstres, on ramasse des trésors. Ça, et... c'est le fun. Des fois, c'est les jeux les plus simples de même qui on s'amuse le plus, ouais, aussi. Ouais. Quand ça devient trop compliqué, certaines soirées, c'est ouais. moins intéressant, ouais, donc à faire attention là-dessus. Mais un bon petit jeu, je vous le recommande. Surtout les joueurs de donjons déjà, ça a quelque chose, vous allez pouvoir embarquer dedans plus facilement. Ceux qui sont moins habitués, peut-être aller voir, je sais pas si les boutiques dans la région peuvent permettre l'essai du jeu. Si c'est possible, demandez. Essayez-le, ça vaudrait la peine quand même de l'essayer, je crois, pour le découvrir. Et merci beaucoup, Guillaume. C'était Castle Ravenloft. Le jeu de 10 livres. Le jeu de 10 livres, bien sûr, en poids et non en page. Oui, François, on va y aller en musique. Donc, en décembre 2009, il y avait un trip. J'étais tombé dans une table de musique 8 bits. Alors, on va écouter ça, justement, une pièce qui a joué en décembre, Game Boy Rocker. Alors, on va aller écouter ça, on va voir qu'est-ce que ça donne. C'est le 3e anniversaire de Puissance Maximale aujourd'hui. Montez le son! Bonjour, je m'appelle Isaac, j'aime beaucoup Maximal Sumo. Fin. C'est le troisième anniversaire de Puissance Maximale sur les ondes de CKIA en ce début septembre 2010. Et bien, côté jeux vidéo, si vous êtes des gamers de PlayStation, vous savez que depuis la fin du mois de juin, bien, les joueurs de PlayStation peuvent avoir accès à ce fameux PlayStation Plus. Le plus. Faut plus. Payer, mais on a plus. Le plus. 59,99 par année et ça nous donne accès à des jeux à rabais de 2-3 piastres ou parfois gratis dans des contenus téléchargeables. Mais il faut payer pour avoir accès. Il faut payer. Ça ne donne pas quelque chose de nouveau sur notre la façon dont on travaille avec le network, donc l'Internet. On n'a pas de meilleure connexion, rien par rapport à Xbox, par exemple. Mais non, ça nous permet d'avoir des nouveautés peut-être en avance d'une semaine sur les autres, des choses comme ça. Mais moi, ça fait une couple de mois, enfin, depuis que c'est sorti, que j'analyse le fameux PlayStation Plus en me disant, est-ce que ça vaut la peine? Alors, est-ce que ça vaut la peine? Ben, moi, présentement, à date, je trouve que ça vaut pas vraiment la peine, mais bon, regarde, c'est personnel, c'est mon opinion. Il y a des gens sûrement qui sont abonnés, qui sont très heureux parce qu'ils ont pu télécharger des jeux, puis ils ont eu du contenu téléchargeable pour ces jeux-là gratuitement par après. Tu sais, il y a des choses comme ça qui sont intéressantes, mais bien sûr, faut que t'aimes le jeu. En faisant ma tournée, quand même, je me suis aperçu qu'il y avait deux petits studios qui faisaient des petites affaires quand même pas pires, des petits jeux pas pires. Create Studios, Create, le C-R-E-A-T, pas de E, et également Tech Games, qui ont des jeux de leur côté chacun, mais également se sont fusionnés ensemble pour quelques numéros, quelques séries de jeux qui sont disponibles sur PlayStation Network. Et justement, il y en a qui sont à rabais, qui sont pas très très chers. C'est des jeux à 5,99$, on n'en voit pas bien bien. Puis graphiquement correct, super intéressant, puis quand même un gameplay intéressant également. Tout d'abord, Create Studios, ça a été fondé en 1990 à Saint-Pétersbourg, en Russie. À Moscou. Pensez à ça, là, 1990. En Russie. Ouais. Il y avait des gens qui... Ben, on avait Tetris là, qui avait été créé avant, mais quand même, 1990, des gens qui ont dit on se crée une petite business de jeux vidéo à cette époque. Là, le mur de Berlin vient de tomber. En 91, non? Ben, oui, c'est ça. On est dans les années où on est sur le point de transition. Ça s'en parle, on s'en parle un peu. Là, c'est quand même quelque chose là, qu'il a fait ça. 6 ans après, ils ont déménagé. Ils ont ouvert une succursale à Boston. Et bien, ils sont connus pour être des développeurs officiels pour des produits Sony, là, PS3, PSP, Nintendo, la même chose. DS, oui, ils en ont fait. Microsoft pour l'Xbox 360 également. Ils ont également développé des jeux dans l'ancienne génération, là, la PS2, la GameCube et la Xbox. Également, ils en ont fait pour Windows. Ils n'ont pas connu un très gros succès, mais si vous avez une Nintendo DS, vous avez déjà entendu parler de Tony Hawk Motion, ben c'est eux autres qui ont fait ça, qui n'avaient pas nécessairement une grosse cote au niveau de la critique, mais c'est une compagnie qui s'appelle Create Studios, fondée en 90. Et se sont associés avec Tick Games, qui est une compagnie de San Mateo, en Californie, pour faire quelques numéros. Cette compagnie-là a été fondée en 2002, donc une douzaine d'années les séparent au niveau de l'âge de la compagnie. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est d'aller voir ces jeux-là qui sont à 5,99$, parfois à 8,99$ sur le PlayStation Network. Il y en a quelques-uns qui sont également disponibles sur le Xbox Live. Je sais pas si vous connaissez le jeu Cuboid. Ça vous dit quelque chose? Le nom me dit quoi personnellement? C'est un jeu tout simplement de casse-tête dans le sens qu'on est un cube. En fin de compte, on est un... j'oublie le mot. Un polygone. OK. Et vous savez, un solide. Là, quand on faisait des solides, quand on était au primaire pour secondaire, là, en mathématiques. Géométrique là, 3D. Bien, on est un solide de forme rectangulaire. Okay. Et on doit se promener sur des lignes soit simples, avancées en faisant rouler, ce qui n'est pas vraiment évident, notre rectangle, soit en largeur ou soit en longueur. Et bien sûr, on doit le faire tomber dans un trou au bout du petit chemin, qui est tout simplement un casse-tête. Et parfois, on doit, comme je disais, aller à la verticale, aller à l'horizontale, tourner. C'est pas évident. On doit le faire en moins de coups possible. Ça paraît niaiseux comme ça, comme jeu de casse-tête. Mais une fois qu'on a fait un premier tableau, puis qu'on l'a réussi bien, puis qu'on fait le deuxième, moi, on a hâte d'aller faire le troisième. C'est vraiment quelque chose qui devient addictif, là. Vraiment. C'est un jeu qui vaut 5,99$. C'est vrai qu'on commence pas à courir avec des fusils après n'importe qui. Ou bien que on n'est pas un petit Mario qui se promène, qui va manger des petits champignons qui le font grossir. Mais quand même, c'est quand même intéressant comme jeu. J'ai trouvé ça vraiment bien. Ça fait travailler le cerveau un peu, le comparé. Ben, c'est justement, à d'autres jeux. On parle de jeux justement qui ramollissent le cerveau. Celui-là, ça te fait réfléchir, ça te fait penser, puis tu dois vraiment trouver la façon de te rendre le plus rapidement possible dans le trou pour justement libérer ton fameux rectangle. Également, ils ont créé des jeux avec les deux compagnies ensemble, Mushroom Wars, qui est, en fin de compte, tu gères une armée de champignons et tu dois te battre contre l'autre armée de champignons. Ça ressemble un peu à la Tower Defense, en même temps, des petits jeux d'attaque là, sur table là, comme on a. Là. Quand même intéressant, c'est bien comique, t'entends des petites voix, des petites voix de champignons. Puis tu sais, c'est très sympathique comme jeu, puis pour 5,99$, c'est quand même très bien fait. Smash Cars, qui s'appelle le jeu également, un jeu de conduite automobile, course un petit peu plus à la Motorstorm, qui est, bon, ça réinvente rien, mais tu sais, tant qu'à acheter un Motorstorm qui, oui, extraordinaire, oui, qui coûte quand même plus cher, ben celui-là, il coûte 5,99$ ou 8,99$, ça vaut quand même la peine. Donc, j'ai comme assez surpris de voir des jeux comme ça. Ça sera pas des grands noms puis du graphique incroyable, mais tu sais, quand tu dis j'ai passé aujourd'hui 15 minutes à jouer un petit jeu de même puis j'ai eu du fun, c'est, des fois ça vaut la peine également de l'essayer. Donc ben c'était pas nécessairement pour faire la promotion des jeux, mais c'était plus pour parler nécessairement de ces deux compagnies là. Allez voir ça, Create Studios puis Tech Games, qui sont des compagnies ben là, présentement une américaine puis une autre qui est une compagnie russe qui s'est installée aux États-Unis. Et en passant, pour des petites compagnies ici de la région de Québec qui sont quand même devenues des grosses compagnies, vous pouvez faire l'achat de certains jeux, par exemple Frima Studio qui offre des jeux sur le PlayStation Network, dont le fameux Zombie Tycoon que l'on retrouve, et autres jeux en mini. Donc ça fait le tour pour la chronique jeux vidéo, en fin de compte, de ce que j'avais découvert cette semaine. Mais on va passer, oui, troisième anniversaire de Puissance Maximale, donc pourquoi pas 1, 2, 3 jeux à vous donner. Donc 5-2-9-90-26, 5-2-9-90-26. Quels sont ces jeux, François? Black Stories 2, donc 50 nouvelles énigmes lugubres. C'est incroyable jeu. Ce jeu-là, je peux vous le dire par expérience. Black Stories, c'est vraiment des histoires, exemple, de mort. Telle personne est morte dans telle situation, pourquoi? Là, chacun émet son hypothèse, puis à la fin, ils disent le pourquoi, puis généralement, ça émet des « Oh mon Dieu, j'ai pas pensé à ça! » un jeu qui joue à plusieurs joueurs, un jeu qu'on pourrait qualifier de familial, dont on sort ça pendant qu'on boit de la bière, et c'est le party est pogné. Excellent, Black Stories. Un jeu plus intellectuel maintenant, Zero, de Rainer Knizia. Alors, c'est vraiment un jeu de cartes traditionnel, mais c'est ça qui évoque des notions de mathématiques. 3 à 5 joueurs, 8 ans et plus, 20 minutes pour jouer. Et le jeu Caméléon, qui est un jeu plus pour enfants, mais qui peut jouer à... les parents peuvent jouer avec leurs enfants. Et c'est un jeu de mémoire et de rapidité. Donc voilà, 3 jeux pour vous, 5-2-9-90-26, Black Stories 2, 0 et Caméléon. Sinon, ben, on passe à l'actualité. Une petite tournée d'actualité en fin d'émission, ici à Puissance Maximale. Je ne sais pas c'est qui le premier. Oh, là, on se bat ici dans le studio. Non, c'est moi qui ai pris. C'est Guillaume. J'ai de l'ancienneté. Excusez-moi. Mais c'est pas une nouveauté avec de nouvelles, mais juste pour vous rappeler, pour ceux intéressés, que Lord of the Rings Online, donc le Seigneur des Anneaux en ligne, tombe en free-to-play, donc gratuit à jouer le 10 de ce mois-ci, donc dans 4 jours. Et si jamais vous êtes intéressé à embarquer et jouer, vous avez juste à vous loguer sur le serveur de Arkansas Stone. Les vrais fans, les plus mordus de Seigneur des Anneaux vont reconnaître d'où vient le nom. Et je vais m'arranger avec François pour mettre le nom de mes personnages sur le site de Puissance Maximale. Right. Et en jeu, vous aurez juste à me trouver et je vais pouvoir soit parler avec vous, jouer avec vous ou juste dire des niaiseries comme qui arrive souvent dans ces jeux-là. Mais ça, c'est pas grave, c'est du social. Dis-moi, qui n'est pas très très computer, ça prend-tu une grosse machine pour rouler ça? Grosse machine, non. C'est sûr, si vous avez un ordinateur qui a 10 ans, votre expérience sera pas agréable. Moi-même, pendant environ 2 ans, j'ai joué sur mon portable, puis ce portable-là, je l'ai acheté il y a à peu près 4 ans. Donc, un ordinateur que de 2-3 années avec une carte graphique correcte, pas obligé d'avoir la plus récente. Non, c'est ça. Une carte graphique d'au moins 128 MB, vous allez pouvoir jouer avec une qualité graphique. Mais sur un portable, par exemple, t'étais très heureux de ça. J'étais heureux. Les graphiques, c'était moins beau. Non, mais c'est ça. Mais... un portable plus vieux qu'un portable plus récent, vous allez avoir des beaux graphiques quand même. Donc, pas obligé d'avoir nécessairement une grosse machine, juste quelque chose qui peut rouler quelques jeux standard et vous allez bien vous amuser. Excellent. Francis? De mon côté, côté nouvelle vidéo ludique, les fanatiques de notre Duke américain tant aimé vont être ravis d'entendre que Duke Nukem Forever est revenu sur les tracks une fois de plus pour la 78e fois et demie. Mais là, par exemple, cette fois-là, ça a été officialisé. Comme plusieurs gamers d'entre vous se rappellent, la compagnie 3D Realms ont été coupés de service, voilà de ça, quelques mois de cela. Mm-hmm. Par contre, autres, c'est la très excellente compagnie Gearbox Software qui ont repris le rôle de la création du jeu, finalement. Pour ceux qui connaissent pas la compagnie, c'est entre autres eux qui ont fait Borderlands, qu'on retrouve sur Xbox 360, PlayStation 3 et oui, PC. Excellent jeu. Donc, c'est ça. C'est une filiale de 2K Games. Donc, c'est une très, très grosse compagnie. Le jeu, selon les vidéos qu'on peut voir sur YouTube et Game Trailers et tous les sites de jeux vidéo qui existent, vont se rendre compte que finalement, ils ont pas laissé à la sauce comme qu'ils avaient prévu de le faire avant. Là, c'est assez incroyable. Le jeu va vraiment être cool. Et puis, donc, c'est ça. Ça a été une nouvelle qui a été annoncée officiellement au PAX, qui n'est pas le PAX East que moi et Guillaume, on avons PAX été Prime. Et François. C'est ça, qui est PAX Prime, The PAX. Et puis, c'est pas mal ça pour côté nouvelle vidéo ludique de mon côté. Excellent. C'est déjà la fin de l'émission Puissance Maximale, 3e anniversaire. On remercie Guillaume Forain. Merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Francis également, merci d'avoir été avec nous pour l'émission. Tout le plaisir pour moi. François. C'est François qui a 3 ans déjà de cela, a mis Puissance Maximale sur les rails avec d'autres collaborateurs qui ne sont plus avec nous malheureusement, mais quand même, félicitations pour toutes ces années, François, oui, de ce grand succès. On remercie peut-être les gens qui nous suivent depuis 3 ans, et merci à toi, Vincent Langlois. Ça me fait plaisir. Un grand plaisir, et on se dit quoi? Ben, on se dit à tous et à toutes une bonne semaine de... gaming. Eh oui. It's that time of the night, we turn on the black light, let the dungeons and the dragons begin, it's D&D! Fighting with the legends of yore, it's D&D! Never kissed a lady before. Nope. Woo! All right, take it home. Solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the dark crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb. When I'm not out with my girlfriend, it's the end. Whoa, whoa, whoa, whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's the end. Warriors who terrify. It's the end. Virgins till the day we... One, two, three, four, yeah!